de combat tu vas nous faire encore? 5, 10. Attends, ça y est. Ça va, Mr. Murthy. Alhamdoulilah. Bon, comme prévu, 5000, toi et ta petite famille, tu tombes au troisième round. Allez, 10 000, non? 5000 avant le combat, 5000 après. Casse pas la tête. Ok. Et n'oublie pas, tu te couches au troisième round. Ahmed, what's up with that other dog? هذا ريمانيك مستر مورث. Alors, ça va pas. Il nous a eu. Attends, je vais voir. Je crois que c'est mieux de lui montrer qui on est. Ça tient à rien, on voulait juste se mettre la maman bien. Dans les rues de Marseille comme un galérien. La prof m'a dit que je valais rien. Mental forgé assez valérien. On lâche rien, valeureux galérien. Je suis un Algérien. Oh la chica, comment ça va? Me dis pas comme t'es à moi. T'es à moi jusqu'à manana. Les clés de mon cœur sont chez la maman. On a réussi, ils ont échoué. Tes paumés, ta frère nous ont écroué. Si Dieu nous aime, on sera éprouvé. Si Dieu nous aime, on sera éprouvé. Je crois que la vie, j'allume les nuits. Prince de ma ville. J'suis dans le sbeul. J'crois que la vie, j'allume mes nuits. Prince de ma ville. J'suis dans le sbeul. La vie c'est violent. Plus de sentiments. Pour des sentiments. La scène de crime en décor déprimant. La vie c'est violent. Plus de sentiments. Pour des sentiments. La scène de crime en décor déprimant. Rien qu'il faudra qu'on se réveille. Faut qu'on prépare la vie d'après. Qu'on réussisse tout ce qu'on essaye. Qu'on réunisse la mif la vraie. Bannir à jamais tous ces moments. S'éloigner plus loin de ces endroits. Réécrire les fins de ces romans. Faire mentir le mal que ces gens croient. Un croc de dalle, un verre de soif. Combien de soirs j'ai tout perdu. La rue t'avale, demain fait raf. Matin, tous deux regrets vêtus. Mon frère c'est comment? Oh mon frère c'est comment? Papa fait la guerre au monde. Maman n'est pas là. J'crois que la vie, j'allume mes nuits. Prince de ma ville, j'suis dans le spell. J'crois que la vie, j'allume les nuits. Prince de ma ville, j'suis dans le spell. La vie c'est violent, plus de sentiments. mes sentiments. La scène de crime, décor déprimant. Là c'est Paris, sombre Marseille, phrase de ma vie.